Le comité national d'études du kimsonisme kimjonglisme du Nigérien a fait paraître le 18 courant dans son homepage d'Internet un écrit contre les violations excessives des droits de l'homme des États-Unis. En dévoilant avec des faits à l'appui que les États-Unis sont le vrai foyer des violations des droits de l'homme et la plus grande toundra des droits de l'homme du monde, l'auteur a affirmé que leur campagne pour les droits de l'homme contre la Corée prouve plus clairement la nature impudente et scélérate de l'impérialisme américain qui se conduit en juge des droits de l'homme.